Bienvenue sur le podcast Des petits pas pour de grands résultats. Je suis Héloïse, ici je vous propose chaque semaine des solutions simples pour améliorer votre vie grâce à de petites actions qui ne demandent presque pas d'effort, mais avec de l'assiduité, elles permettent d'obtenir de grands résultats. Abonnez-vous pour retrouver le podcast facilement et être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast ou que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un j'aime selon votre plateforme d'écoute. Et enfin, si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à d'autres, pensez à leur faire découvrir. Pour retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur le site Les Bien-être dans la rubrique Podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment de petites actions qui ne vous demandent presque pas d'efforts peuvent vous permettre d'atteindre de grands résultats et changer votre vie. Il y a plusieurs façons d'atteindre un objectif. On peut travailler dur et s'acharner. Il y a des chances pour que ça fonctionne, mais ça utilise beaucoup d'énergie et c'est difficile de tenir sur la durée. Alors selon moi, cette méthode fonctionnerait plutôt sur des objectifs court terme. Mais lorsqu'il s'agit de changer sa vie, il faut que les actions soient tenables sur le long terme. Je vais vous proposer une méthode plus douce qui devrait vous permettre d'obtenir des résultats durables. Elle est fondée sur la mise en place d'habitudes. Les habitudes, ce sont les actions répétées qui ne demandent pas d'efforts particuliers. Pour la grande majorité d'entre nous, la vie est composée d'habitudes. Nous refaisons jour après jour plus ou moins les mêmes choses. C'est conditionné par le type de vie que nous menons, on doit partir au travail à la même heure tous les jours et emprunter le même chemin, on boit un café au même endroit, à la même heure, peut-être même avec les mêmes personnes. Alors bien sûr, des choses aussi changent, notre vie n'est pas juste une suite de répétitions. Mais voilà, beaucoup de choses se répètent. Donc on peut dire que changer ses habitudes, c'est changer sa vie. En soi, une habitude n'est ni négative ni positive. Elle entraîne par contre des conséquences qui peuvent vous plaire ou non. Donc l'idée, c'est de mettre en place des habitudes qui entraînent des conséquences que vous voulez voir dans votre vie. On va voir les caractéristiques d'une habitude et pourquoi c'est un outil intéressant à utiliser. Les caractéristiques sont en fait dans sa définition. Les habitudes ne demandent pas d'efforts particuliers. Toutefois, comme toutes les actions, elles entraînent des conséquences ou des résultats. Ça veut donc dire qu'on peut obtenir des résultats qui ne demandent pas d'efforts particuliers. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le principe d'une habitude est de se faire tous les jours ou presque. Donc elle se répète. Et vous le saviez déjà, la répétition, c'est un grand principe d'apprentissage. Plus nous répétons quelque chose, et meilleur nous devenons à l'effectuer. Lors d'une première action, on crée un chemin neuronal, donc une connexion neuronale. Pour nous, ce sera un petit peu comme passer dans un champ pour la première fois. Au début, c'est difficile, il y a des herbes hautes, et plus on y passe, plus le chemin se trace, et plus le passage est facile à pratiquer. Et donc la répétition, elle est très utile pour s'améliorer. Par exemple, si vous voulez vous améliorer au piano, dans une certaine limite, plus vous allez jouer, et meilleur vous deviendrez. Donc l'avantage des habitudes, c'est que chaque jour, l'action devient plus facile que la veille. L'effort est décroissant. Mais ce n'est pas tout. En répétant une action, on peut utiliser l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le processus par lequel une somme d'actions répétées, mises bout à bout, produisent un résultat bien plus grand que le résultat d'une action isolée. L'une des meilleures illustrations de cet effet, c'est si vous souhaitez écrire un livre, écrivez chaque jour une page et au bout d'un an, vous obtiendrez un livre de 365 pages. Évidemment, c'est une image, mais elle permet de bien comprendre le principe. Donc on vient de voir qu'une habitude ne demande pas d'effort particulier et qu'en plus, l'effort tend à diminuer. Et qu'elle peut permettre de s'améliorer et d'utiliser l'effet cumulé. Néanmoins, si vous ne faites pas de sport et que je vous propose de créer l'habitude de courir une heure par jour, je pense qu'il y en a beaucoup que ça va rebuter. La première chose pour créer consciemment une habitude, c'est de viser un objectif qui vous intéresse et vous tient particulièrement à cœur. Donc demandez-vous ce que vous voudriez savoir faire ou obtenir dans votre vie. Ensuite, même si devenir un coureur ou une coureuse régulière est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette activité, il y a des chances que pour tenir cette cadence, ça vous demande beaucoup d'efforts avant que ça ne devienne une habitude. Donc là, on serait plutôt dans la solution « travailler dur et s'acharner ». A priori, difficile à tenir sur le long terme. C'est pourquoi je vous propose d'utiliser plutôt la méthode Kaizen. C'est une méthode japonaise que l'on peut traduire en français par « méthode des petits pas ». L'idée, c'est de commencer le chemin vers votre objectif par un tout petit pas, c'est-à-dire l'action la plus petite qui soit. Comme on l'a vu, si l'action initiale demande trop d'efforts, comme courir une heure par jour, il y a des risques pour qu'on ne la fasse pas et qu'on trouve des excuses. Je suis fatiguée, je n'ai pas le temps, on trouvera bien une raison valable. En revanche, si l'action elle est si petite qu'elle ne demande presque pas d'efforts ni de temps, alors il n'y a plus d'excuses. Dans le cadre de la course, pour certains, ce sera courir 5 minutes ou commencer par faire le tour du pâté de maison. Et si ça demande encore parfois trop d'efforts, il faut encore réduire le petit pas. Ça peut être juste enfiler sa tenue de sport ou même simplement imaginer pendant une minute que vous alliez courir. Donc ça peut paraître ridicule comme ça, mais en fait notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé ou imaginaire. On pourra en reparler dans un prochain épisode si le sujet vous intéresse. En imaginant faire une action, vous créez quand même le fameux chemin neuronal. Donc ça signifie que la prochaine fois, ce sera plus facile. Et chaque fois que vous allez utiliser ce chemin, la fois suivante vous demandera moins d'efforts. Et au fur et à mesure que cet effort diminue, vous pourrez augmenter progressivement la difficulté de l'action. Et petit pas par petit pas, vous avancez vers votre objectif. Et en fait, cet objectif, vous serez capable de le tenir sur la durée parce que l'effort sera toujours à votre mesure. Donc c'est pour ça que là, on est sur du long terme. Toujours dans notre exemple de la course à pied, si vous avez pris l'habitude de courir 30 minutes par jour et qu'un jour, pour une raison ou une autre, cela ne vous paraît pas possible, il faut au moins revenir à la plus petite action. Ça vous permet d'entretenir le chemin. Nous avons vu le pouvoir des habitudes et de l'effet cumulé, le fonctionnement de la méthode Kaizen. Nous allons voir maintenant comment fonctionne une habitude et comment la mettre en place. Une habitude est un processus quasi automatique. C'est pour ça qu'elle ne demande pas d'effort. Elle intervient après un stimulus. Par exemple, lorsque vous recevez une notification sur votre téléphone, il se peut que vous ayez l'habitude de regarder. Alors dans ce cas, le stimulus est la notification et l'habitude est l'action de regarder. Cette action, elle entraîne des conséquences. En l'occurrence, c'est vous arrêter de faire ce que vous étiez en train de faire. Donc l'habitude se compose de trois parties, le stimulus, l'action et la conséquence. Une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser les habitudes et les mettre au service de notre vie. Donc comment on va faire ? En déterminant la conséquence ou le résultat que vous voulez obtenir. Ensuite, trouvez l'action qui entraîne cette conséquence. Et enfin, choisissez le stimulus qui va précéder l'action. Je reprends un exemple précédent. Vous voulez écrire un livre. C'est le résultat à obtenir. L'action à mettre en place, c'est écrire une page par jour. Selon l'organisation de votre journée, vous pourriez décider de le faire tous les jours après votre petit déjeuner ou sur votre pause de midi ou encore le soir après vous être brossé les dents. À vous de choisir en fait quelle action vous faites déjà chaque jour après laquelle vous pourriez mettre cette fameuse habitude et ensuite ça deviendra quasiment un réflexe automatique. Il y a différentes durées, mais on dit qu'une action se transformerait en habitude au bout d'une vingtaine de jours. Tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça demande un petit peu d'effort de volonté. Ce que je vous recommande, c'est après avoir choisi votre action et votre stimulus, c'est d'être constant au maximum, au moins sur les trois premières semaines, en gardant à l'esprit que plus vous allez le faire et plus ça va devenir facile. Mon conseil, c'est de suivre votre assiduité sur un tracker d'habitude, soit tout simplement sur un calendrier ou un agenda. Sinon, il existe aussi des applications où vous pouvez cocher à chaque fois que vous avez fait l'action que vous souhaitiez faire. Quand vous cochez la case, c'est comme quand on raye quelque chose sur une liste, on reçoit une petite décharge d'endorphine. Donc c'est l'hormone du bonheur. Mais surtout, c'est assez satisfaisant de voir la durée de vos séries. Alors soyez persévérant, mais si vous manquez une fois, c'est pas grave, ça n'efface pas tout ce que vous avez fait avant. Aussi, vous avez le droit de vous offrir une récompense, pourquoi pas en lien avec votre objectif, si vous avez été régulier sur 3 semaines d'affilée par exemple. Donc dans le cadre de la course, eh bien ça pourrait être s'offrir une nouvelle tenue de sport. Et surtout, si vous avez un ami qui partage les mêmes objectifs que vous, n'hésitez pas à vous faire un défi ensemble. À deux, c'est toujours plus motivant. Voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Dans la suite des épisodes, je vous proposerai des exemples de résultats, actions, stimulus à mettre en place dans votre vie. Et si vous avez un objectif mais que vous ne savez pas quelle action vous pourriez mettre en place, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire par exemple. Je pourrais faire un épisode pour y répondre et ça aidera certainement aussi d'autres personnes. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à liker, à commenter, à partager. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous !